dépasseras tous tes obstacles. J'aimerais que tu déclares avec moi qu'avec Dieu, tout ira. Allez, on y va. Avec toi, Seigneur, tout ira. Avec toi, mon roi. Grâce à toi, Seigneur, je ne crains pas. Pour moi, tu combats. Lorsque autour de moi, tu sens en plus agité. Bye.